Chapitre 4e. Gonflé, le cerisier floconnait, dépassé par l'évidence de ses pétales blancs. Le lendemain, un jeudi, je retournais travailler. C'était le mari qui gardait Paul et les chatons. Le printemps était tellement fort que ça me faisait mal. Le bleu du ciel insultait le vert de l'herbe. Cette guerre, je la voyais partout. Dans les centres commerciaux, des mères poussaient de grosses poussettes lourdes comme des chars. Au-dessus des balcons, les glycines se préparaient à exploser, en grappes lourdes et mauves. Là-bas, les morts violets, tout juste enterrés, gonflaient la terre. Mal au cœur à l'idée du parfum de la glycine, mélange de sucre et de stase, cette odeur qui ne trouvait pas son chemin, qui stagnait, cette odeur de miel et de pourriture, qui restait sur place, là. Il fait si chaud, la guerre, ces images ne me quittent plus. Les hommes de la guerre ont des regards durs comme le soleil qui cognait. Sur la route, le camion des éboueurs bloque ma voiture. Devant le pare-brise, il clignote, rouge et jaune, comme un missile. Les hommes jettent dans la benne des sacs poubelles noirs, gros comme des cadavres, que les rides d'acier broient lentement. Je rentrais, trempé de sueur. Sous le poste de télévision, la corbeille de velours pourpre n'était plus là. Déplacée dans le salon, elle était vide. Bien vide. Le mari leva les bras au ciel vers une belle évidence. Sa chemise blanche attirait toute la lumière possible. Où étaient les chatons? Plus de chatons. Il les avait noyés. Comment? Il refusa d'en parler, balayant toutes mes questions d'un geste blanc. Plus de chatons, Anne. Cinq existences, cinq êtres, cinq fois déchirant un ventre doux de chat, cinq fois mis au monde. Ça doit servir à ça, un mari, à noyer les chatons. Dans son panier en velours, le chat fermait les yeux. Amolli, vidé. Moite, j'ouvris la fenêtre pour respirer. Gonflé, le cerisier floconnait, dépassé par l'évidence de ses pétales blancs. En face, la voisine souleva le rideau blanc qui retomba lentement. Le soleil médaillait le soldat. Solitaire, la fleur du magnolia éclatait en apothéose blanche. Et la mort qui marchait là, entre les boules blanches, s'arrêta et le fixa. Un pétale tomba. Flancs mous, yeux brillants de fièvre, le chat ronronnait faiblement dans son panier. J'aurais voulu qu'elle cherche les chatons. J'aurais voulu qu'elle ne les cherche pas. J'eus l'impression à cet instant que le chat était délivré. D'ailleurs, il redevint masculin comme si l'homme seul pouvait être libre. C'était bien la guerre. À un moment donné, il y avait eu ses enfants qui jouaient au ballon rouge dans la cour. Peut-être même y avait-il eu un lapin blanc apprivoisé à leur côté. Et puis, une seconde plus tard, après une bombe, il n'en restait plus rien. C'était bien le printemps aussi. Des lueurs blanches se propageaient de tronc en tronc. La prairie devenue blanche, des lueurs claires se propageaient de tronc en tronc. Les sépales pointues, cinq exactement, se séparaient, libérant la masse chiffonnée de pétales. Comment? Et si vite? Je me tournais, me retournais, cherchant des degrés, des étapes dans cette floraison éclatante, comme j'avais cherché les cinq chatons dans le ventre gonflé du chat. Comment? Pourquoi? Quand? Le mari les avait noyés. Je ne cherchais pas trop à savoir. D'ailleurs, je n'étais pas honnête envers moi-même, car tout en faisant des reproches au mari, tout en étant incapable de l'accomplir moi-même, j'avais accepté, comme avec la guerre. Aux autres, au plus fort, je laisse le soin de marquer leur profonde empreinte. Paul faisait « da, da, da ». S'accompagnant de la tête secouée avec ivresse, comme s'il s'étourdissait lui-même. « Oui, Paul, il aurait fallu s'étourdir soi-même complètement. « Da, da ». Et ça continuait. À l'aube blanche, on comptait ceux qui n'étaient plus, ceux qui étaient encore. Ceux qui, mutilés, l'étaient à demi. Dans son panier, le chat miaulait tout bas, un cri de détresse. Il me manque quelque chose, mais quoi? Il n'y a pas de réponse, chat, il n'y aura jamais de solution. On peut couper le son si tu veux, chat, éteindre aussi ces images si tu veux. Chatons, morts, souffrances s'additionneront sans cesse. Ton existence entière de chat ne sera qu'addition. On ne fera jamais de soustraction, jamais. Sauf pour te prendre tes petits. La guerre finissait ou s'aggravait, je n'en savais rien. Cette guerre serait longue, forte comme les contractions d'un accouchement. Lente, oui, mais si rapide une fois que tout serait achevé. Les tranchées de pétrole brûlaient autour de Bagdad pour éviter les bombardements. Un voile obscurcissait la ville. Au-dessus de la télévision, un morceau de nuage noir s'encadra au travers de la fenêtre. Il allait pleuvoir. Sous leur voile noir, les femmes levaient les mains vers un ciel aussi noir. Juste à côté, le chat léchait sa patte blanche, la passant rapidement par-dessus ses oreilles. Durant presque 3 jours, le chat est resté dans son panier comme s'il remplissait un devoir, y cherchant des traces de ventre frais. Je lui caressais la tête. Il ferma les yeux sur le verre de son épuisement, puis les rouvrit plus grand encore. Sieste. Durant ces 3 nuits, j'avais mal dormi à cause des chatons et de Paul. Épuisé aussi. Je préférais que Paul s'endorme à mes côtés plutôt que le tonnerre ne le réveille. Peut-être même avais-je peur des fantômes de chatons qui rôdaient dans le salon. Les nuages avançaient lentement, portant leur ombre noire sur la prairie. Allongé sur le divan, Paul sur mon ventre. D'ici, je voyais les hirondelles voler bas, leur queue découpée en triangle. Mon livre était aussi ventre à terre, tranche fendue en 2 parties. Longtemps, Paul chercha une position de sommeil tout en roulant sur mon ventre nu, tout en le labourant de coups de pied. Qu'il me donna ainsi ses coups de talon dans le bas-ventre, j'adorais ça. Un rappel de se donner de l'intérieur, durant la grossesse. Oh, ces coups accordés durant l'attente. Enceinte, on rêve, grosse, amolie. On n'attend rien de précis, allongé. Soudain un coup, un seul suffit. Un choc à l'intérieur de soi, précis, sec. Brutal comme un meurtre, doux comme un battement d'aile de papillon. « je suis là », dit le coup de pied. Une partie de soi qui n'est pas à soi, dans le bas-ventre, à peu près comme un sexe d'homme. Après un ultime coup, Paul s'immobilisa, cils incurvés de noir, bouche rouge entr'ouverte. Le ciel s'ouvrit comme un vagin de femme, lâchant l'orage, un souffle fort de vent. Les boulots s'agitèrent, fous, complètement fous. Un coup de tonnerre réveilla Paul allongé sur le dos. Il eut alors cet air étonné. Souvent, je trouvais chez Paul ce regard étonné et silencieux. Exactement le même que celui des cadavres qui contemplent le ciel allongé sur le dos. Et la pluie d'avril assura l'air. Elle se logea, s'infiltra dans toutes les fentes. La terre se dilatait, respirait enfin, aspirant jusqu'à plus soif. Au fil des gouttes chaudes, montait une odeur sourde brûlée. Dans les yeux de Paul, les pétales des cerisiers tourbillonnaient. Le chat avait disparu. J'installai Paul dans son berceau. Allongé, au travers du trou bleu pâle de la tétine, je voyais la narine rose, son poing plié sous le menton. Dans le bercement de la pluie, je me rendormis. Un cauchemar m'attrape dans ses doigts griffus. Dans mon rêve, tout se délite, se désorganise. Certains pillent, d'autres s'agenouillent, se roulent par terre. Je n'aime pas l'organisation calculée, précise des autres, le sourd espoir qu'ils nourrissent à leur insu. Moi, j'attrape des choses dans les mains, vite, de l'huile, des couvertures, de la farine, du pain, du lait, il me faut des réserves. Du haut des étages, on lance de jeunes chatons, leur corps, déjà exercé à la gravitation, tournoie dans l'air comme des poissons. Personne n'y échappera. Après tout, quelle différence entre le cauchemar et le réel, hormis la densité, la durée? Si la réalité est plus pesante, plus longue que le cauchemar, un caillou qui tape sur le crâne, le cauchemar, lui, reste une lame argentée. Du moins, il tranche plus vite. Ce ne fut pas un coup de tonnerre qui me réveilla, mais un « da » étonné, puis un autre « da » de protestation. Je me levai, courus vers la chambre de Paul. Dans son berceau, le chat était levé sur la grenouillère en velours. Dans la pénombre du store, les yeux de Paul concentraient toute la lumière. Contre le velours, le chat ronronnait sourdement. Incapable de se redresser seul, Paul battait l'air de ses poings en demande d'explication. Je fis le « du chat signifiant « oust, battant ». Le chat se léchait méthodiquement le bout des pattes. Paul, lui, ne bougeait plus. Attentif à chaque mouvement du chat, là, entre ses jambes. Une fois encore, je crachais pour que le chat descende. Je me demandais, l'espace d'une seconde, qui était le chat. Ce dernier mit son masque japonais le plus beau, 2 traits noirs obliques sur ses yeux, Il lâcha un profond soupir de bien-être. Quant à moi, je restais là, debout, tête vide, éclaboussé par les paillettes vertes des yeux du chat, submergé par le bleu des yeux de Paul, noyé. Dehors, les gouttes rebondissaient en sphères parfaites sur le dos convexe des pétales, sur celui des crapauds. Dures, tendues, elles hachaient les pétales des cerisiers, des magnolias. Je mis le chat à terre. Aussitôt, il regrimpa dans le berceau d'un bond précis pour le grand plaisir de son occupant. Là, il se cala en ronronnant sourdement entre les pieds en velours pour me faire comprendre qu'il comptait bien y rester. Une fois encore, je l'enlevai. Il sauta à nouveau. J'abandonnai le combat. L'orage s'arrêta. Le soleil dessina une tache jaune et floue dans une flaque. Le chat, lui, avait disparu. La télévision avait décidé de parler d'autre chose. Elle me souffla des bulles frémissantes de publicité, grands cercles dorés au travers desquels j'entendais encore frapper les coups de canon. Cet écran décidait beaucoup pour moi. Il m'imposait la guerre quand il le voulait, me l'ôtait quand ça l'arrangeait. Je sortis, Paul dans mes bras. La pluie avait adouci les contours de la prairie et ravivé le vert, et même le bleu, des corolles de petites fleurs que je n'avais pas remarquées. Où était passé ce maudit chat? Paul, au moins, ne marchait pas. Je ne devais pas tout le temps le chercher. J'avais l'impression de m'inquiéter plus pour ce chat que pour mon propre fils. Son comportement était plus déroutant, il faut le reconnaître. Paul dans mes bras. Ses mains légères affleurent mes épaules nues comme des papillons de jour. Mon ombre flotte sur le sol. Je vois celle de la grosse tête de Paul, aussi large que ses épaules, se superposer à la mienne. L'ombre affirme qu'il la tient bien droite. Soudain, un miaulement éplorait. Le chat. Il me suivait, sautant dans l'air mouillé en retenant une grimace de dégoût. Il levait sa tête triangulaire vers Paul, perché à 1 mètre plus haut. S'il y avait eu des chatons. Ils auraient dressé leur queue raide vers le ciel lavé, avançant pas tremblant dans l'air mouillé. Le souffle du vent aurait pétrifié de peur 20 minuscules pattes. L'ombre des feuilles aurait bougé dans le bleu hésitant de 5 paires d'yeux. Mais il n'y avait plus de chatons. Il n'y avait qu'un chat qui suivait un bébé, de toutes ses tâches, de toutes ses forces. Comme la guerre ne me quittait pas, nous étions 3. Avec le printemps, l'herbe d'avril, qui ne lâchait pas les coussinets du chat, nous voici 4 personnages humides dans l'herbe. Paul, le chat, la guerre, le printemps, et moi qui ne comptais pas. Tous les 4, nous avancions dans les parois de la prairie si mouillée que le soleil ne la séchait plus. Je réglai mon pas d'humain sur celui du chat. Il s'arrêtait de temps à autre, croquait une herbe laiteuse, prenant un air de dégoût pour ces choses mouillées qui caressaient sa robe, mais nous suivait toujours. Un crapaud progressait par bonds maladroits. Le chat ne lui jeta pas un regard. À 50 mètres, non loin du chêne, je posai Paul à terre sur une plaque d'herbe presque sèche. Le chat, qui le fuyait d'habitude, s'allongea dans l'herbe, montrant son ventre clair. Il était à droite de Paul, moi, au bout du triangle isocèle que notre trio silencieux formait sur l'herbe courte encore humide. De la vapeur grimpait des flaques. Du haut de mon 1,60 m, je voyais les pattes blanches du chat, les pieds roses de Paul, sorte de bonbons roses perdus dans l'herbe. Je contournais le chat, puis Paul, dans l'odeur maternelle de terre mouillée. Tous deux me suivirent du regard, l'un fouettant l'air de sa queue, l'autre de ses mains. J'eus l'impression d'être en train de filmer 2 bêtes sauvages, 2 animaux incompréhensibles. Vers le terre sortit sa petite tête d'un trou, étira ses anneaux. En transparence, on voyait bouger des masses sombres. Si Paul voulut à tout prix le manger, le chat, lui, ne s'en préoccupa même pas. Combien de temps cette scène dura-t-elle? Minutes, secondes, tout se dissolvait, se noyait. Cela paraissait net. Les joues bombées de Paul, le poitrail du chat contre le ciel qui bougeait au-dessus. Je voulus rentrer. J'avais sur le feu la soupe de Paul, je le soulevais. La lèvre inférieure s'abaissa, déformant la bouche en triangle rouge. Rien à faire. Il voulait rester là, avec le chat. Dans la cuisine, les soldats couraient dans le sable, évitant les grenades qui jetaient des crachats sableux. Je me mis à courir moi aussi vers les silhouettes de Paul. Du chat, immobile. Je m'arrêtai soudain comme les chatons face au vent. pétrifiés par la lenteur de la scène. Chacun paraissait éprouver la conscience de l'autre de façon pleine et heureuse, sans aucun mot. L'herbe se reflétait dans les yeux du chat. Il était l'herbe sous le soleil. Paul en arrachait des brins et les portait à sa bouche. Il clignait des yeux sous le soleil. Il était le chat étendu sous le soleil. Frères, tous deux, du même printemps, le chat et Paul se mêlaient l'un l'autre en silence. Paul observait attentivement le chat. Il se ramassait, tendait toutes ses facultés vers cette masse de poils, puis soudain, ne s'y intéressait plus, agitait ses mains en l'air et saluait le soleil. Le chat écoutait Paul babiller, orientant passionnément ses oreilles vers lui. Puis, d'un seul coup, il s'affalait dans l'herbe tout entier entre ses pattes blanches. Entre eux, je remarque cet aller-retour de concentration, détente, complètement imprévisible, entièrement nouveau, que donne l'absence de mots. Cela crée une sorte de remous comme celui des bébés feuilles encore humides qui babillent. Printemps, printemps. La télé, ces images de fumée bleue, de terre jaune, me font parfois cet effet. Je regarde le char ou les taches de sang qui restent sur le siège, sans aucune phrase précise, passive. Mes pensées bruissent, silencieuses, comme ce bouleau au loin. Cet après-midi fut mouillé et déconcertant. Ce chat immobile, ses pétales blancs qui griffaient le sol, la peine herbeuse, mouillée, qu'inclinait le vent, ce début d'être qui tentait de coordonner ses différentes parties nerveuses. L'impression d'arracher la vie à un fragment fugitif, un fragment sanguinolent qui se tortillait dans ma paume, comme un morceau d'être vivant, arraché par les bombes. Quand approcha le soir, je cueille de l'amande dans le potager. Près du massif était réfugié le gros crapaud. Immobile comme une pierre, une grosse pierre, il persistait à rester accroupi au bord de la route. Ici, il y en avait plein qui, écrasés par les voitures, ressemblaient à des figues séchées. À mon approche, il fit quelques bonds maladroits et lourds, puis resta encore immobile en plein milieu de la route. C'est une maladie chez moi. Je ne supporte pas qu'un être vivant puisse se faire écraser par d'autres créatures vivantes plus puissantes. Rien à faire. Le crapaud ne bougeait plus du bitume. Malgré ma répulsion, je le pris entre les mains. La peau du crapaud se révéla, à ma grande surprise, fraîche et très lisse. Il serra ses pattes douces, en forme de main, autour de mes doigts. Cette prise convulsive, empressée, ressemblait à celle d'un nouveau-né. Puis, il demeura l'ombre de mes paumes, refusant de sauter, cœur minuscule battant, affolé. Il fallut que je secoue la main pour qu'il consente à me quitter. Il se réfugia sous la menthe trempée par l'orage. Lorsque les feuilles de menthe et les taches blanches du chat se fondirent avec le noir de la nuit, je rentrai. Le chat me suivit à l'intérieur, laissant la nuit derrière lui et l'empreinte humide en forme de fleur de ses pattes. Le chat s'accouda sur ses pattes blanches, dans son panier, épaule à sa chaise haute. L'eau bouillait, Paul roucoulait. Il maîtrisait les dentelles et s'essayait à des airs liquides, coulés, comme ronronnait le chat. La menthe flottait en longues nervures vertes dans l'argent de l'eau. L'herbe se mouillait. Les pissenlits refermaient leurs pétales en un touchant désordre jaune. Dehors, le crapaud sauvé devait s'humecter doucement sous la rosée. Dans la cuisine, j'allumais la télévision machinalement. Il y eut les images, il y avait toujours ces images. Elles ne s'arrêtaient pas. Peut-être même ne s'arrêteraient-elles jamais. Tandis que l'hiver desserrait l'étreinte de son filet d'acier, tandis que la terre s'amollissait ici, là-bas les images se durcissaient. Des mouches volaient affolées autour d'un cadavre, la tête recouverte d'un chiffon sale. On voyait encore la main, la bague en or, sur le volant. Puis il y eut cette femme qui avait perdu la raison et qui appelait sans fin, ni cesse, un disparu, son disparu, au-dessus d'un puits. Ce fut encore une seconde courte, très courte, sorte de tunnel où l'on me promenait, s'abouchant avec une lumière aveuglante sur la guerre. Et moi, j'étais là comme le nouveau-né clignant des yeux sous le projecteur aveuglant. Le commentaire disait entre autres, dans un asile psychiatrique, une femme penchée au-dessus d'un puits recherche son disparu. Le journaliste n'avait pas filmé la femme penchée, mais son visage troublé dans les eaux noires, encerclées par les parois blanches du puits. Comment avait-il pu faire ça? Il avait dû gentiment s'asseoir sur la margelle du puits aux côtés d'une femme endeuillée, lui disant « Mais faites comme si je n'étais pas là. Pleurez donc. Je vais prendre votre reflet dans les eaux du puits, ce sera plus parlant. » Et il avait filmé ce visage éploré, réfléchi dans l'eau noire d'un puits, reflété dans toutes les cuisines du monde. La télé lançait ses éclairs bleutés dans la pièce devenue sombre. Malgré moi, contre moi, j'étais encore attelé derrière la carriole roue grinçante de la guerre. Odeur de corps brûlé, les feuilles de menthe se recroquevillaient contre la casserole carbonisée. La nuit engloutissait les pétales roses carnés des pommiers. Elle avalait aussi le géranium écarlate qui brûlait au rideau blanc voisin. À ce moment-là, Paul sanglota tout doucement. Je ne savais plus si c'était Paul qui pleurait, ou cette femme, ou moi. Le son ne servait plus à rien, coupé. Voilà, nous étions quatre à évoluer sur le front silencieux des images, dans un silence presque mortel, avec ses bombes qui s'abattaient, orange contre le noir du ciel. Un camion troua le silence, un silence mortel, avec le crapaud qui était retourné sur le goudron noir, que le camion allait écraser. Si tu coupes le son, pourquoi n'arrêtes-tu pas ces images? Immédiatement, Anne, immédiatement. C'était la seule question que j'aurais dû me poser. Arrêter les images n'aurait jamais arrêté la guerre. Car tout était guerre. Le mois de mars, avec les bourgeons visqueux qui éclataient de toutes parts. Élever un enfant, le baigner, l'habiller, travailler pour le nourrir, en était encore une autre de guerre. Et ce chat aux poils fripés qui s'allongeait sur un panier vide de ses bambins noyés. Il les avait portés durant des semaines, leur poids en ses flancs déformés, et il s'était déchiré 5 fois le ventre pour les mettre au monde. Tout était guerre et printemps à la fois.